c'est pas moi, hein. J'aime pas le fromage. Oh, je me demande s'il y a pas une petite souris par ici. C'est sûrement ça. Cette nuit, j'ai entendu grignoter. Aide-moi à bouger le buffet. S'il y en a une, elle doit être cachée derrière. Regarde, elle est là. Oh, Nathalie, j'ai peur. Oh, t'es un vrai trouillard, peur de quoi? Comment veux-tu qu'une petite bête comme ça te mange? Attrape-la par la queue et emmène-la dans le jardin. Après, vous irez au village, je n'ai plus de gruyère. C'est pas étonnant.